chercha ta main sur mon épaule. Prends l'amour comme un printemps, ne pense plus à ceux qui t'ont fait de la peine. Soleil, regarde autour de toi.